Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Voyage au centre de la Terre, une série de Michel Pomarède réalisée par François Test. Au départ de cette série, alors que se réveille aux Philippines le volcan Taal, il y a une exploration, ou plutôt une traversée, de la surface terrestre au magma en fusion, en passant par les cratères des volcans, mais aussi les sols empoisonnés par les industries ou par l'exploitation des mines d'or. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui raconte, un maire métallurgiste, un homme malade, une mère d'élèves, une préfète qui ne promet rien, des enfants contaminés, un homme en colère et une femme médecin. Ensuite, le décor. Une mine, de l'arsenic, des gaz de combat, des cancers, des analyses, des rivières en crue, des cartographies, des symptômes, une enquête, le doute organisé et des stratégies d'effacement. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute une lettre ouverte. Supplique adressée au président de la République dans Libération en octobre 2019. À Salsigne, on ne dépollue pas, on confine les terres polluées sur le site. Les eaux de pluie pénètrent dans les résidus pollués et se chargent d'arsenic avant de rejoindre la rivière de l'Orbiel. À l'heure actuelle, plus de 58 enfants sont surexposés à l'arsenic. Or, une intoxication chronique peut provoquer une myriade de troubles, parmi lesquels lésions dermatologiques, une perte de poids, des nausées, ulcères et pire encore, des cancers à 10, 20 ou 30 ans. Nous vous posons la question, comment pouvez-vous accepter de nous laisser vivre dans cet environnement et condamner ainsi nos enfants? À chaque intempérie, les déchets toxiques sont déplacés en masse, le problème est récurrent. Laisseriez-vous vos enfants vivre dans ces circonstances? Aujourd'hui, l'Association des parents d'élèves de la Vallée de l'Orbiel vous demande, Monsieur le Président de la République et Mesdames les Ministres, de dépolluer les sites de la mine de Salsigne, principalement en évacuant les déchets de l'Artus et de Montredon. Voyage au centre de la Terre. Michel Pomarède, François Test. Salsigne. La mine d'or, l'arsenic veille. Frédéric Auger, si on plantait un peu le décor. Eh bien là, nous sommes sur le point de vue dit des éoliennes, même s'il n'y a plus d'éoliennes. Frédéric Auger, ancien chercheur au CNRS, spécialiste de la pollution des sols. Et on voit l'ensemble, ou 80% du site, donc avec tout à fait au fond les Pyrénées, qui ont contribué à la création de ce site, parce que l'émergence des Pyrénées, qui continue actuellement, 2 mm, 3 mm par an, donc entraîne une poussée donc de roches tertiaires et de calcaires qui viennent s'appuyer de l'autre côté sur le hercynien, les roches primaires, et c'est la rencontre entre ces deux types donc de structures géologiques qui a entraîné cette incongruité géologique qui est l'ensemble dit de la division minière de Salsigne avec ses 48 éléments minéraux à un élément minéral près, qui a fait que donc on y a trouvé bien avant l'arrivée des Romains du cuivre, du fer, puis à la fin du 19e siècle, tout à fait par hasard, on a trouvé l'or, et donc la découverte de l'or a entraîné aussi, évidemment, par ricochet, la découverte de l'arsenic et de tous les autres produits qui sont mélangés dans ces tonnes de roches. Frédéric Auger, si on faisait un petit flashback, l'activité minière ici, elle a cessé en 2004 et ça a été précédé par 90 ans de production. Et si je lis mes notes, il fallait broyer et concasser une tonne de minerai pour récupérer 7 à 8 grammes d'or et 40 kilos d'arsenic. On dit toujours plus grande mine d'or d'Europe, ça c'est l'aspect, si vous voulez, promotion, mais en vérité c'était surtout le premier producteur mondial d'arsenic pendant environ un siècle. Et donc cet arsenic, évidemment, sert aussi à faire les gaz de combat. Ensuite, donc, on a vendu cet arsenic jusqu'en 1938 aux Allemands. Là, en 1938, on s'est dit c'est peut-être embêtant de continuer de leur en vendre, mais ils avaient fait suffisamment de stock pour pouvoir s'en servir ultérieurement. Et cet arsenic a aussi servi beaucoup au moment de la guerre du Vietnam, puisque ça servait à fabriquer l'agent bleu et l'agent orange. Et on a eu jusqu'à 30 tonnes d'arsenic par jour qui partaient achetées par les Américains pour la guerre du Vietnam. Donc, vous voyez, il y a une histoire très longue, très complexe, mais qui a induit aussi des effets environnementaux importants durant toute cette période. Ce n'est pas pour rien qu'ici, on avait la plus haute cheminée de France de façon à envoyer le plus loin possible le panache de pollution. Et d'ici, donc, nous voyons cet ensemble avec ce que vous pouvez imaginer comme étant un plateau. En vérité, c'était une vallée, ça s'appelait la Combe. Là, vous avez 70 mètres d'épaisseur de toxique. Dans un des secteurs, vous avez par exemple 15 000 tonnes d'arsenic sur 13 mètres d'épaisseur qui sont enfouies là. Les sacs blancs que nous voyons, c'est 475 tonnes d'arséniate de chaux, donc hautement toxique également. Et ce sont des sacs, on le voit, qui sont crevés, qui donc coulent. Et puis au-dessus, nous avons le site de Montredon, qui représente environ 2,5 millions de tonnes de tout venant, mais là, qui est à 20% de toxique, donc 500 000 tonnes également de produits toxiques, c'est-à-dire des dérivés des cyanures qui ont servi à la fabrication à une époque, d'arsenic, qui était considéré à ce moment-là comme un déchet, et de plomb. L'ensemble, donc, représente environ 14 millions de tonnes de tout venant, sur environ 200 km², avec au minimum 1 200 000 tonnes de déchets toxiques, ce qui en fait une des plus grandes décharges chimiques du monde, en impactant vraisemblablement les populations. J'entends or, j'entends arsenic, mais j'entends aussi argent finalement. Oui, argent de deux façons. Derrière ça, il y a des tas de manœuvres financières qui ont été menées durant toutes ces années. Lorsque les Australiens ont quitté ce territoire en 2004, un accord secret avait été passé avec le gouvernement français pour faire reposer sur l'État, c'est-à-dire sur le contribuable, toute la charge du passif environnemental, alors que ce passif environnemental aurait dû être payé au minimum partiellement par la société exploitante. Ça n'a pas été le cas. C'est l'État français qui a pris la succession et qui, dans les textes, c'est marqué, s'est porté fort en matière de gestion de ce territoire. Et donc maintenant, eh bien, c'est l'État qui se retrouve avec ce poids terrifiant sur les bras. Mais ce n'est pas parce que c'est terrifiant qu'il faut rien faire. Il faut agir. On ne peut pas laisser ce territoire, ces populations, être impactées pendant des dizaines d'années. Et il faut penser à toutes les zones de l'aval qui vont être touchées dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, parce que cette pollution, elle se déplace dans les aquifères souterrains, elle se déplace dans les aquifères de surface, elle se déplace dans les sols, elle se déplace également par l'action de l'air et des poussières. Max Brel, vous êtes maire de Lastour, petit village de la vallée de l'Orbiel, depuis 1989, oui. Mais vous êtes en mairie depuis bien avant. Est-ce qu'on pourrait revenir avant sur votre parcours comme employé de la mine ? J'ai été salarié à la mine et produits chimiques de Salsigne. Je suis rentré en 1976 dans les installations. Et j'ai fait un parcours un peu atypique puisque j'ai travaillé sur tous les postes de travail depuis l'arrivée du minerai, puisque j'étais métallo, j'étais pas mineur, et jusqu'à la sortie des produits finis. Donc métallo, expliquez-moi exactement qu'est-ce que vous faisiez. Alors, le travail des métallos, c'est un travail qui est complet depuis l'arrivée du minerai, qui a été une première fois concassé. Là, il passe dans des concasseurs primaires, des concasseurs secondaires, dans des broyeurs, pour que l'on le rende au micron, le plus petit possible et le plus fin possible. Pour qu'ensuite, les contacts au niveau de la pyrométallurgie, puisque nous travaillons à ce moment-là avec des fours à fusion, puisque les atomes puissent être les plus petits possibles pour avoir une meilleure rentabilité et surtout une meilleure finition dans la récupération des métaux, mais aussi dans l'évaporation des produits sulfurés et des produits arséniers. Les effets, ils sont certains niveaux, ils ne sont pas visibles. Par contre, la cloison nasale perforée, on fait tous partie de la secte des nez percés, si on veut aller par là. Et moi, j'ai un profond respect, et je veux que les gens aient un profond respect pour les hommes qui font ces métiers-là, qui sont des métiers durs, compliqués, où l'attention et la vigilance est permanente. À quel moment le métier change, Max Brel ? Alors, le métier change après les années 90. Et alors, c'est toujours compliqué, même quand je l'explique. Sur les 20 ans passés à Salsigne, j'y ai passé 15 ans de bonheur. Même dans des conditions difficiles, 15 ans de bonheur. Parce qu'on travaillait, certes, de façon difficile, mais on était respecté et on était reconnu. Après les années 90 et après la scission en trois entités des anciennes mines et produits chimiques de Salsigne, la mine d'or est partie donc à exploiter l'or d'une autre façon, par hydrométallurgie. Mais nous, on avait émis l'espoir de pouvoir traiter des produits similaires à ceux que l'on traitait. Et on a tenté de faire fonctionner un four qui était avec une définition bien particulière, avec ses niveaux d'évaporation, avec tout ce qu'il y avait. On a tenté de le faire fonctionner comme un incinérateur. Et là, nous avons été des apprentis sorciers, je dis bien nous, puisque je travaillais à ce moment-là encore, gérés par des gens qui ne méritent pas le titre d'ingénieur ou de patron. Je pense que c'est des beaux salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui ont tout fait pour récupérer de l'argent public pour une soi-disant dépollution. Et on a même certainement, on ne le vérifiera jamais, malheureusement, mais on a certainement créé des formules chimiques que personne ne connaît, avec tous les produits qu'on a pu mélanger. Et là, ça a été la descente aux enfers. Oui. Robert Montagné, vous êtes rentré dans la mine, c'était quand ? 17 février 1975. J'ai été mineur, j'ai fait un peu tous les métiers à la mine. Vous, vos poumons, ils vont comment aujourd'hui, Robert Montagné ? Ça va à peu près. Ça va. Vous les faites tester ? On fait une radio de temps en temps, mais 30 ans de mine, il faudrait pas que je le dise, parce que les toubibs, c'est toujours le tabac. Mais 30 ans de tabac aussi, ça peut aller. Ah oui, parce que mon cancer de la vessie, c'est pas les huiles minérales vaporisées, non, c'est le tabac. Alors, je n'attaque pas le parcours du combattant, après 15 ans de retraite, d'essayer de le faire reconnaître en maladie professionnelle, parce que c'est le parcours du combattant. Parce que on avait les embolies au gasoil, du radon, de l'amiante, et de la silice et d'autres joyeusetés, quoi. Donc aussi de l'arsenic. Oui. Donc ce que vous nous décrivez, Robert Montagné, c'est un cocktail explosif dont vous avez été victime, vous, avec le déclenchement de votre cancer de la vessie, mais que vous n'avez pas voulu faire reconnaître en cancer professionnel, et qui peut-être se transformera en cancer tout court pour des enfants dans 10 ou 15 ans. Je ne leur souhaite pas. Mais à exposition non nulle, risque non nul. Donc, les discours de l'ARS et du gouvernement, tout va très bien circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un parent d'élève qui avait bien résumé la situation. AS plus ARS égale RAS. Il avait très très bien résumé la situation. Vanessa Motte, vous faites partie de l'association des parents d'élèves de la vallée de l'Orbiel. Et sous vos yeux, qu'est-ce que vous avez ? Alors en fait, j'ai tous les résultats d'analyse qui ont été faits sur mes enfants, dont mes enfants qui sont âgés de 20 mois et 3 ans. Donc c'est vrai que j'ai les résultats au niveau urinaire, donc de l'arsenic. Donc mes enfants étaient tous les deux au-dessus de la norme qui était de 10 au premier test. 10 quoi ? 10 microgrammes. Et donc ils sont à combien vos enfants ? Alors ma fille au premier test était à 22, mon fils était à 14 ans. Et deux mois après, donc en septembre, ma fille est descendue à 14 et mon fils est augmenté et passé à 19. Donc on doit faire le troisième test mi-novembre pour voir éventuellement si le taux baisse ou augmente au contraire. Ensuite, nous, avec plusieurs parents de l'association des parents d'élèves de la Vallée de l'Orbiel, on a décidé à nos frais de faire tester d'autres métaux lourds sur un laboratoire indépendant. Et des enfants sur Conques, sur Orbiel, présentent des taux assez élevés au niveau du plomb. Moi, mon fils présente du plomb aussi, à 12 microgrammes. Et récemment, j'ai eu les résultats pour ma fille au niveau de l'aluminium, et elle est à 26,5, alors que la norme est entre 6 et 10. Voilà, ma fille qui a 21 mois. Vous êtes depuis quand dans la vallée, Vanessa Lamotte ? Nous, on est sur Conques depuis 2016, mais j'habitais un village aux alentours. Donc c'est vrai que j'étais au courant de l'existence de la mine, comme tout le monde. Mais voilà, on ne se sentait pas particulièrement en danger, puisque nous, ici, on habite sur les hauteurs. Donc on n'a pas été inondés, on ne comprend pas pourquoi nos enfants sont surexposés à tous ces métaux lourds. Voilà. Est-ce que les aires de jeu des écoles sont la raison principale de la contamination de vos enfants ? Alors moi, absolument pas, puisqu'ils ne sont pas scolarisés ici. Puisque ma fille est à la crèche, et mon fils, je l'ai fait scolariser ailleurs, du coup. Puisque mi-juillet, quand on a eu les résultats, il était hors de question qu'il reste dans cette école qui a été inondée, souillée par tous ces métaux lourds. Mais là, actuellement, sur Conques, sur Orbiel en tout cas, l'aire de jeu présente des taux anormalement hauts en plomb, en arsenic et plein d'autres métaux lourds. Donc l'aire de jeu a été fermée. Maintenant, toujours pareil, si la contamination et la surexposition se font par l'air... même si on met des barrières, on est d'accord que ça se propage un peu partout. Moi, j'ai pris l'initiative de faire tester ma terre, quand même, parce qu'on commence nous-mêmes à se poser plein de questions et à faire nos propres enquêtes. Les scientifiques de Toulouse sont venus ici tester ma terre à trois endroits différents, donc devant la balançoire, le trampoline, vraiment là où jouent mes enfants assez régulièrement, et il n'y a pas de présence de métaux lourds, arsenic et autres. Il n'y a rien. Qui sont vos interlocuteurs, en fait, Vanessa Mocque ? C'est très compliqué. Donc, moi, déjà, je suis suivie par mon médecin traitant sur Conques, qui essaie de nous mettre en relation avec des spécialistes, toxicologues et autres, pour le suivi de nos enfants à ce jour. Il n'y a rien. Donc, le centre antipoison va, sur ordre de l'ARS, apparemment, organiser des consultations pour nous recevoir. Tour de rôle. Mais à ce jour, moi, j'envoie des mails à l'ARS pour signaler les taux de mes enfants. Ils sont venus faire leur enquête et après, c'est tout. Donc les gens de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, ils ne vous répondent pas ? C'est-à-dire que voilà, j'envoie des mails pour signaler les taux. Ils sont venus faire leurs enquêtes. Je dois attendre le retour, la conclusion de leur enquête par email. À ce jour, j'ai rien. Bon, ils m'avaient dit 3 semaines, mais après, ils ne m'appellent pas, ni rien du tout. Est-ce que vous avez peur pour la santé de vos enfants ? Complètement. Nous, on a tellement peur qu'on a vendu notre maison. On s'en va. Parce qu'à force de nous faire stresser, voilà ce qui arrive. Hein. Et donc, même si on aime notre village, j'aime par-dessus tout mes enfants. Donc, on ne va pas attendre de continuer ces prélèvements tous les 2 mois et de voir que les taux sont quand même au-dessus de 10. Même s'ils fluctuent, c'est vrai, ils passent de 20 à 14 ou à 15. Je ne vais pas attendre qu'ils développent une pathologie. Donc, on a pris les devants. Notre maison est vendue. On s'en va. Et je pense qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités assez rapidement. Alors justement, l'État, vous l'avez interrogé directement en vous adressant au président de la République à travers une supplique qui a été publiée dans Libération en octobre dernier. Est-ce que vous pourriez me lire un petit peu les lignes que vous avez écrites ? À Salsigne, on ne dépollue pas, on confine les terres polluées sur le site. Les eaux de pluie pénètrent dans les résidus pollués et se chargent d'arsenic avant de rejoindre la rivière de l'Orbiel. À l'heure actuelle, plus de 58 enfants sont surexposés à l'arsenic. Il faut arrêter la contamination et obtenir une cartographie du risque des sols, de l'air et de l'eau par des prélèvements sur des points précis et à intervalles réguliers. Deuxièmement, obtenir un centre médical local de suivi pour les enfants surexposés à l'arsenic et aux autres métaux lourds. 3. Demander la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes. 11 octobre 2018, inondation à Conques-sur-Orbiel. Noah et Loïs, deux élèves de CM2, se revoient dans leur salle de classe avant le déluge. La maîtresse passait là, et là, il y avait son bureau. Après, il n'y a plus rien. Hein. Sauf le tableau noir et quelques affiches accrochées en hauteur. Les vitres des salles de classe sont soufflées, la cour de récréation déserte. Le matériel a été détruit ou emporté par les flots. C'est une catastrophe, parce qu'on a retrouvé nos bureaux plus loin, vers Château des Saptes, avec nos cahiers et tout ça. Voir comme ça, c'est un choc. Comme un réflexe, Noah garde son sac d'écolier sur le dos. Loïs a chaussé ses bottes de pluie. Assis devant les grilles, les deux garçons n'ont pas vraiment le cœur à jouer. Quand, par exemple, je suis avec Noah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, en fait. Déjà, on essaie de tout nettoyer. Moi, j'espère que l'école sera réparé au plus vite. L'établissement va rester fermé pendant plusieurs semaines encore, même au-delà des vacances de la Toussaint, ce qui inquiète Féroze, le père de Noah. Quand l'école va pouvoir ouvrir et où elle peut être installée pour que les enfants soient en sécurité. François Espuche, président de l'association Gratte-Papier. Au niveau de la pollution, il y a une étude qui démontre qu'il y a entre 8 et 10 tonnes par an d'arsenic. 8 tonnes d'arsenic qui sont charriées par l'Orbiel. Voilà. Or, événement exceptionnel. Là, il y a eu un événement exceptionnel. J'ai dit exceptionnel entre guillemets. Je n'adhère pas à cette thèse. Pour moi, c'est un événement récurrent qui est arrivé. Une crue, peut-être plus forte que celle d'avant, mais il y en a eu d'autres et il y en aura encore. Et qui seront peut-être encore beaucoup plus fortes. Et de cette crue-là, eh bien, ça a charrié, ça a raviné énormément le fond de l'Orbiel. Ça l'a décapé sur presque de 2 mètres d'épaisseur. Et tous ces sédiments qui emmagasinaient de l'arsenic depuis des décennies, eh bien, ils ne sont pas perdus dans la nature, hein, rien ne se perd. Hein. Je veux dire, ils sont allés un peu plus loin. Et un peu plus loin, c'est Conques ou Trèbes. Ça arrivera à la Méditerranée. Et parallèlement à ça, il y a le préfet qui nous dit qu'il y a un risque. Il joue le principe de précaution, alors il le joue à l'envers, hein. Il n'est pas comme ça, principe de précaution, mais le préfet qui nous dit « Non, mais vous pouvez parfaitement vivre ici, c'est très bien, il suffit juste d'appliquer quelques recommandations. » Et en même temps, c'est l'État qui pollue en amont quand même. Lesquelles ? Alors les recommandations, c'est de ne pas manger les légumes, ou certains légumes, ou certains fruits issus de la vallée de l'Orbiel, pas manger du thym, pas manger d'escargots, se laver les mains couramment, surtout pour les enfants, d'éviter de laisser jouer les enfants à l'extérieur, de recouvrir les sols extérieurs. Alors, on pourrait carrément, d'une façon caricaturale, dire oui, il faudrait goudronner votre jardin. Celui qui a un jardin avec des fleurs, des chrysanthèmes, ce serait bien qu'il goudronne. Comme ça, ça évite qu'il y ait un problème. Il faudrait passer la serpillière humide fréquemment à l'intérieur des bâtiments. Alors, c'est très pratique quand vous mettez un plancher qui ne supporte pas la serpillière humide ou moquette ou des trucs comme ça. Et puis fréquemment. Enfin bon, il faut comprendre quand même la logique de l'État là-dedans. Vous imaginez une route, on est sur l'autoroute, un trou immense, un camion pourrait tomber dedans. Ce trou est un danger. Et la logique voudrait que l'on bouche le trou. Eh bien, l'État, lui, ne rentre pas dans cette logique. Il refuse cette logique. Il a une autre politique, c'est de maîtriser non pas le danger, mais de maîtriser les risques. Et pour ça, pour lui, il suffit juste de mettre un panneau en disant « attention, trou ». Donc les gens sont informés qu'il y a un trou. Grâce à cette information, l'État part du principe que s'ils tombent dans le trou, ils sont responsables. Et quand vous dites l'État, François Espuche, l'État n'agit pas directement, il agit via des acteurs, PRGM, DREAL et compagnie. Est-ce qu'on pourrait rentrer justement dans le détail ? L'État, dans le département, c'est le préfet. Premier point, vous parlez du BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière en France. Le BRGM, c'est un établissement public à caractère industriel, commercial et industriel, c'est un EPIC. BRGM, DREAL, ça veut dire quoi DREAL ? Alors DREAL, c'est la Direction Régionale de l'Environnement et du Logement. C'est ça. C'était la DRIR, Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche. Bon, ces acteurs-là, donc, moi je les ai sollicités, ne répondent pas pour l'instant. Oui, ça ne m'étonne pas du tout, puisque toute la communication sur Salsigne est bouclée depuis 4 ou 5 décennies. Et il y a un seul acteur autorisé à communiquer là-dessus. Le premier qui va faire un écart risque d'être révoqué. François Espuche, donc on est en 2019. On a compris que vous aviez mené le combat par rapport au passé. Pourquoi aujourd'hui ce combat ne suffit pas et que tout d'un coup vous vous adressez à nouveau dans une lettre ouverte adressée à la préfète qui vient de prendre ses fonctions? C'est quoi l'objectif de votre lettre ouverte, donc, qu'on pourrait peut-être commencer à lire si vous voulez? L'objectif, si vous voulez, c'est qu'on entend aujourd'hui des propos rassurants, des promesses. Ce ne sont que des promesses et j'interpelle la préfète pour lui demander qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de croire en ces promesses. L'orage gronde sur Orbiel, Michael François, et vous, vous êtes arrivé ici depuis quand? Bah, moi, je suis arrivé ici il y a 3 ans. Comme tout parent, on veut tout ce qu'il y a de bien pour ses enfants. Donc, j'ai voulu une maison plus grande, un terrain plus grand. Et on est tombé sur cette maison avec une vue magnifique. Et on a acheté. Et est-ce que vous avez été informé par le notaire, par l'agent immobilier, de ce qui se passe ici depuis des années? Alors, malheureusement, non. Et c'est aujourd'hui ce que je leur reproche. C'est qu'aujourd'hui, depuis 2007 apparemment, donc les notaires sont censés nous avertir. Chose qui n'a pas été fait. Je me suis présenté à la mairie avant d'acheter. Comme derrière, j'ai un terrain qui est vierge et je voulais savoir ce qu'il y avait. Enfin, ce qu'il y aurait de prévu. Et une fois que j'ai eu acheté, je me suis représenté à la mairie en disant que j'étais le nouveau propriétaire. Et on m'a toujours rien dit. Vous avez réagi de quelle manière par rapport à ce silence? Cette omerta. Moi, j'appellerais plutôt ça une omerta. Pour moi, les gens sont dans le silence complet. Ils ne veulent pas admettre, reconnaître qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Ça reste le passé. Mais il y a des erreurs, on peut les corriger. Vous avez fait quoi dans votre jardin pour informer vos voisins, vos riverains? J'ai posé des panneaux. Des panneaux en disant qu'on était bienvenus dans la vallée de l'arsenic. Le taux de ma fille, 18 microgrammes. D'arsenic? D'arsenic, sachant que le seuil, jusqu'à aujourd'hui, de 10 microgrammes. Et je suis sans réponse, sans nouvelles de l'ARS depuis le 27 juillet. Quel âge a votre fille? 10 ans. C'est quoi les conséquences possibles? L'arsenic se pose sur foie, rate, donc ça peut ralentir la croissance ou l'arrêter. Ça peut, dans 10, 15, 20 ans, il peut y avoir un cancer qui peut se déclencher, on ne sait pas. Donc. Parce qu'aujourd'hui, il y a la poly-exposition. Il y a déjà des enfants qui ont des résultats. Malheureusement, ils sont positifs aussi bien à l'arsenic, au plomb et à l'argent. Voilà. J'ai une rage en moi, là. J'en veux un peu à tout le monde. Alors là, j'essaie de me raisonner. Mais vous avez mis des pancartes dans votre jardin. Quel a été l'écho de cette manifestation publique? Ça n'a pas été très bien perçu. Certains sont venus sonner à ma porte parce qu'à cause de moi, ils vont perdre de l'argent sur la vente de la maison. À cause de moi, le village est mal coté. À cause de moi. Il y a tellement de raisons. Ils m'en veulent. Alors que la pollution aujourd'hui, si elle y est, c'est vraiment pas à cause de moi. Sophie Élyséon, vous êtes préfète de l'Aude. Que répondez-vous à François Espuche, président de l'association Gratte-Papier, qui demande la cartographie des sites pollués de la vallée de l'Orbiel, cartographie promise par vos prédécesseurs? Alors, je ne m'engagerai pas pour mes prédécesseurs, parce que dans les contacts que j'ai eus avec eux, ils n'ont pas forcément insisté sur une promesse de cartographie. Ce que j'ai répondu à des parents d'élèves que j'ai reçus peu de temps après mon arrivée dans l'Aude, c'est que une telle cartographie avec la précision qui est demandée, techniquement, sans doute est possible, mais pourrait prendre un certain temps, mais surtout, très concrètement, une fois que la cartographie sera terminée, elle ne sera plus, elle sera obsolète et il faudra la reconduire. Donc ce que j'ai répondu aux parents d'élèves que j'ai rencontrés, c'est que finalement cette cartographie, elle existe à l'échelle nationale, puisque en cherchant bien sur un bon moteur de recherche, le BRGM publie ce type de cartographie. D'ailleurs, j'en disposais dans mes fonctions précédentes, et où l'on voit d'abord que la concentration, certes, est importante dans la vallée de l'Orbiel, mais c'est pas là qu'elle est la plus importante à l'échelle nationale, et que par ailleurs, encore une fois, la cartographie au niveau de précision que la demandent les habitants, c'est-à-dire savoir concrètement dans leur jardin, c'est ça la question qu'ils posent. Quel est le taux de concentration en matière d'arsenic? Techniquement, si c'est faisable, opérationnellement, ça ne sert à rien, puisqu'effectivement, au moment où je fais la cartographie, s'il y a un phénomène de pluviométrie important, demain ou après-demain, il peut y avoir des mesures qui seront différentes. Et si je prends une mesure à tel point de mon jardin, la concentration n'est peut-être pas la même 10 cm plus loin. Que répondez-vous à Vanessa Motte, qui est donc une présidente de parents d'élèves de la vallée de l'Orbiel, qui réclame un centre de santé ici à Carcassonne pour le suivi des enfants qui viennent d'être contaminés par l'arsenic? Oui, alors ça, c'est un sujet que nous avons abordé à l'occasion de la visite d'Emmanuel Wargon, donc la ministre qui est venue lundi dernier à la rencontre des habitants et des élus, des maires des communes de la vallée de l'Orbiel. La création en tant que telle d'un centre dans le département de l'Aude, d'abord, là aussi, prendrait sans doute plus de temps que nécessaire et n'est sans doute pas approprié. Il y a deux points. Le premier, c'est que le contact des habitants doit être en premier lieu leur médecin traitant, hein, qui est celui qui est le plus à même finalement aussi d'avoir des suivis des familles. En revanche, ce que demandent les parents, c'est un accès facilité à des spécialistes, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir construire un réseau. Je pense que l'enjeu, il est davantage là que de créer un centre ex nihilo sur le département de l'Aude. 58 enfants au jour d'aujourd'hui, donc en octobre 2019, sont contaminés. Les gens de l'agence régionale de santé renvoient au médecin. Le médecin renvoie à des spécialistes qu'il ne connaît pas. Visiblement, l'affaire prend de l'ampleur et perturbe même les médecins qui sont sur le terrain. Donc un médecin de famille, comme vous dites, n'a peut-être pas la compétence sur ce domaine qui, avant, étaient, on va dire, confinés à des cancers professionnels de gens qui avaient travaillé dans la mine. Alors, qu'on s'entende bien, d'abord, parler de contamination n'est pas le terme approprié. Ce sont des enfants qui sont exposés à une concentration d'arsenic qui est supérieure à la norme. Pas toujours. Ça dépend de quelle norme vous parlez, puisqu'en fait, en matière d'arsenic, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire, alors, les médecins ne seraient pas contents de la comparaison que je fais, mais je trouve que c'est la plus facile pour comprendre de quoi on parle. En matière d'arsenic, il n'y a pas de seuil. Vous pouvez être exposé à des concentrations supérieures aux 10 microgrammes qu'on évoque, en sachant que dans d'autres pays, c'est des concentrations bien supérieures qui sont tolérées. Vous pouvez être exposé à des concentrations supérieures et ne développer aucune maladie. Pour autant, vous pouvez être aussi exposé à des concentrations inférieures et développer des maladies. Ça, c'est la première information. Deuxième information, on ne parle pas de contamination, mais d'exposition. Ou de surexposition, mais pas de contamination. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Troisième aspect, quand vous parlez de cancer professionnel, il faut savoir qu'il y a eu deux études épidémiologiques sur ces cancers professionnels et que les dernières en date qui concernent la période la plus récente, puisqu'elle concerne une période qui va de la fin des années 90 au milieu des années 2000, a démontré qu'il n'y avait plus de prévalence des cancers qui étaient observés sur les années antérieures. Vous avez rencontré la préfète qui vient d'arriver à Carcassonne depuis début octobre. Quel accueil elle a fait à vos revendications et à votre, on va dire, engagement tout neuf? On est rentré dans le bureau, c'était un peu froid, un peu tendu. Voilà. Il y avait la DRIL, il y avait le BRGM, ARS, il y avait un médecin de l'ARS également, il y avait madame la préfète. Et jusqu'au plaidoyer, en fait, parce que je me suis permis différents plaidoyers. C'était tendu, c'était froid. Après, on a ouvert la discussion. Et au bout d'une heure et demie, on a eu une petite aparté tous les deux. Et là, elle m'a mis la main sur l'épaule et elle m'a dit « Vous n'êtes pas seul. » Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. c'est pas dans l'état d'esprit de tout le monde. Parce que dans le passé, ça a été prouvé que des choses ont été écrites, mais ne sont toujours pas faites. Voilà. Aujourd'hui, dans le bénéfice du doute, j'essaie vraiment d'y croire. Vous avez reçu un père d'élève qui s'appelle Michael François, ici même en préfecture. Et à la fin de l'entretien, vous avez mis votre main sur son épaule et vous avez dit « vous n'êtes pas seul ». Est-ce que c'est un signe de compassion ou c'est un signe d'engagement ? Moi, je ne suis pas là en tant que préfète de Lourdes pour effectivement engager des signes de compassion, mais je suis là au contraire pour faire en sorte, je vous l'ai dit, quel est le rôle des préfets, quel est le rôle du représentant de l'État dans un département, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens, mais des personnes en l'occurrence, pas seulement, mais ça fait partie des priorités de notre action. Garantir la sécurité des personnes, ça veut dire endiguer les risques, notamment sanitaires, quand nous les connaissons et que nous avons les moyens, encore une fois, techniques et financiers, de les endiguer. Voilà quel est mon rôle. Donc il n'est pas seul, ça veut dire que effectivement les services de l'État, puisque je ne suis pas seule moi-même, les services de l'État sont concernés par la situation de la vallée de l'Orbiel. La présentation du plan d'action prochainement le démontrera et sont engagés pour faire en sorte que ces risques soient réduits. Les lapins se meurent dans les champs pollués. Les poissons crevés dans les mers polluées. Et les hommes sont asphyxiés par l'air pollué. Les oiseaux muets dans les arbres pollués. Et Annie Thébaumoni, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. On est quelque part dans Paris, un petit peu loin de la mine de Salsigne et de la vallée de l'Orbiel. Mais cette vallée et cette mine vous ont occupé, vous, il y a plus de 30 ans, dans un rapport. Qu'est-ce que vous cherchiez et racontez-moi les prémices de cette étude. La mine de Salsigne, la mine d'or de Salsigne, je dis souvent que c'est une mine de très peu d'or et de beaucoup d'arsenic. 11 grammes la tonne d'or, donc ça laisse beaucoup d'espace pour de l'arsenic. Et en fait, il y avait un tableau de maladie professionnelle, le tableau numéro 20, qui avait été adopté il y a très longtemps, qui comportait quelques cancers, mais pas le cancer bronchopulmonaire, quand nous avons été sollicités. Et à la commission des maladies professionnelles, ce dossier est venu, et il y a eu la possibilité pour les salariés de l'usine de traitement du minerai de se faire reconnaître sur le tableau 20, qui était donc assorti d'un tableau 20 bis reconnaissant le cancer bronchopulmonaire associé à une exposition aux dérivés de l'arsenic. Nous avons mis en évidence le fait qu'il y avait finalement des symptômes très précoces à une intoxication par l'arsenic, qui sont des symptômes essentiellement dermatologiques, un peu respiratoires, mais surtout dermatologiques, avec y compris pour certains ouvriers des perforations de cloisons nasales, ce qui montre quand même le côté corrosif des dérivés de l'arsenic. Vous, à la fin de votre enquête, il y a plus de 30 ans, vous disiez ceci. En dépit d'une expérience séculaire des risques miniers, le paradigme du doute qui domine la santé publique permet aux industriels, mais aussi aux acteurs étatiques, aujourd'hui comme hier, de s'appuyer sur l'incertitude afin d'envisager favorablement la réouverture des sites miniers. On pourrait dire, mais aussi, si ce n'est pas la réouverture, le laisser-aller et l'entassement des déchets purement toxiques. Alors effectivement, immédiatement après notre départ, il n'y a pas eu de déclaration des cas de cancer chez les salariés et mineurs de la mine de Salsigne. Pas de reconnaissance donc de maladies professionnelles. Or, en France, on ne connaît que ce qu'on reconnaît, et on reconnaît très peu. Et donc, la question des maladies professionnelles de Salsigne a complètement disparu des radars. En fait, personne n'en parlait plus, même avant la fermeture de l'exploitation. Alors que des cas de cancer apparaissaient dans la population, même en dehors des salariés, le doute a repris sa place en disant « on ne peut pas dire si c'est ça ou pas ». Il y a eu des études faites par des collègues à moi de l'INSERM disant « peut-être, mais peut-être pas, il y a un petit excès, mais on ne peut pas dire que ». Et donc, cette incertitude indéfiniment reconduite a complètement marginalisé les certitudes qu'on a depuis, mais maintenant, certainement au moins 2 siècles, sur le fait que les mines d'or entraînent des cas de cancer, non seulement chez les travailleurs, mais aussi dans la population environnante. Et on a fait comme si, après tout, on peut vivre en terrain contaminé. Annie Thébomoni, est-ce qu'on pourrait dire que les acteurs industriels et étatiques utilisent le poison du doute qu'ils rajoutent sur le poison industriel ? C'est une bonne formule, oui. Je crois que effectivement, le poison du doute empoisonne tout le débat sur les risques toxiques. Et là, je peux dire que actuellement, on le vit avec ce qui s'est passé à Rouen avec l'incendie de Lubrizol, où il y a des substances chimiques dont la toxicité ne fait absolument aucun doute. On le vit avec ce qui se passe par rapport à Notre-Dame et le plomb qui s'est répandu au cœur de Paris, l'équivalent de 4 fois les émissions de plomb en France sur une année. En fait, à travers ce paradigme du doute, c'est une manière pour les autorités sanitaires de ne pas prendre les mesures qui s'imposeraient. Et pour Salsigne, parce que ça me tient à cœur, parce que maintenant, c'est les familles, c'est les enfants, c'est les riverains qui sont victimes des conséquences de l'absence de mise en sécurité de ce site, de mise en sécurité des zones de déchets, tout en faisant en sorte de niveler le terrain pour que les traces disparaissent. Il y a aussi une stratégie d'effacement des traces dans cette histoire de risque toxique. Parce qu'on sait que, inévitablement, au bout de quelques années, les principaux témoins disparaissent. Et quand les témoins ont disparu, le doute revient au galop en disant bah, « qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, il ne s'est rien passé ». Aujourd'hui, des enfants ont un taux de 10 mg d'arsenic dans le sang. C'est les propres familles qui ont payé ces recherches. Sophie Elizon, préfète à Carcassonne, a réfuté ce taux en disant « mais il n'y a pas de taux valable pour dire si un enfant est atteint, exposé, surexposé, et surtout pas avec le terme « contaminé ». D'où sort ce taux et d'où sort cette réfutation de ce taux de 10 mg ? Il faut savoir que l'arsenic est un toxique sans seuil de toxicité, c'est-à-dire que personne, et certainement pas la préfète, ne peut dire que il n'y a pas intoxication quand manifestement le niveau d'arsenic dans le sang de ces enfants atteint 10 microgrammes litre. À partir du moment où il y a de l'arsenic dans le sang d'un enfant, cet enfant peut potentiellement déclencher ultérieurement des maladies graves. Et en fait, on sait que même à très très faible dose, des cancers se déclencheront pour l'arsenic dans le futur. Il y a déjà des cancers qui sont attribuables à l'arsenic actuellement dans la région de Salsigne. La grande difficulté avec les cancers, pour nous qui le savons, c'est qu'un cancérogène agit rarement seul et toutes les personnes exposées ne vont pas déclencher des cancers, et heureusement. Mais oui, un enfant qui a 10 microgrammes d'arsenic dans le sang est un enfant intoxiqué par l'arsenic. quand vous parlez avec les gens, ils vous disent, mais attendez, qu'est-ce que tu nous embêtes avec l'arsenic? On a toujours connu, c'est dans la nature, hein. C'est notre vie, c'est... Oui, mais oui, tout à fait. Mais ce n'est pas parce que ça a été à un moment et que c'est une réalité qu'il faut le négliger et qu'on peut le tolérer comme un produit qui risque d'empoisonner nos enfants et nos futures générations sans rien faire. Et je suis outré du mépris dont on est l'objet. Ça, je ne peux pas le supporter. C'est un mépris, malheureusement, on vient de le voir avec Rouen. À Rouen, ça brûle, on ne savait même pas ce qu'il y avait. On découvre. Ça a peut-être fait ci, ça a peut-être fait là. Si vous avez des boutons, allez voir votre... Mais c'est quoi ça? On se fout la gueule de qui, là? Là, je suis en colère. Oui, j'ai de la colère, là. Parce que ces services-là, je ne peux pas les respecter. Je ne peux pas les respecter parce qu'ils sont payés avec de l'argent public pour nous accompagner et éviter ces drames-là. Et ils ne font pas leur boulot. Mais Max Brel, que ce soit Lubrizol à Rouen récemment ou Salsigne depuis des années, ce n'est pas de l'incompétence. C'est quoi que vous dénoncez? Parce qu'une somme d'incompétence comme ça avec des gens qui ont fait des études... C'est le mépris. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un système qui a été mis en place? Mais bien entendu, c'est le mépris qui permet au système de continuer à exister. C'est le système de l'argent et de l'humain qui sert à rien, enfin, qui n'est pas respecté, qui n'est pas... De toute façon, il y a quoi d'humain en ce moment? Il y a quoi d'humain? Annie Thébomoni, le fond du problème, est-ce que au fond, c'est pas l'argent? On a été dans la vallée de Salsigne, un maire, Max Brel, nous parlait de l'omerta, du silence, du prix du foncier qui baisse, si l'information circule. Est-ce qu'on n'est pas dans une alliance entre le poison du doute et des intérêts financiers? Je dirais que c'est ça le nœud du problème. Le doute sert les intérêts financiers. C'est clair que... Une des réponses qui a été faite après les inondations, c'est que l'État avait déjà mis assez d'argent pour la décontamination du site de Salsigne. Enfin, ils avaient qu'à faire payer. Les industriels, qui ont quand même gagné beaucoup d'argent avec cette mine d'or, et ils n'ont pas fait ce qui est quand même dans la réglementation depuis 1810, c'est-à-dire un principe pollueur-payeur qui était... soi-disant la contrepartie du fait que les intérêts économiques prévalaient sur la santé publique, mais au jour d'aujourd'hui, il y a une obligation pour un industriel, théoriquement, de remettre en état, donc de décontaminer, et l'État est garant de l'application de cette réglementation. Alors pourquoi il ne le fait pas? Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a une alliance terrible entre l'État et les intérêts économiques privés au détriment de la santé publique et de la population. Annie Thébomoni, est-ce à dire qu'il y a trop de sites industriels laissés à l'abandon qui sont le témoin à la fois de l'alliance privée-publique mais aussi de la gabegie, que si Salsigne devait être dépollué, les autres sites devraient l'être aussi et que l'État a choisi de fermer les yeux parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent? Alors, je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que, dans tous les cas, l'État n'a pas l'intention de dépenser de l'argent à remettre en état des vallées comme celle de l'Orbiel. On l'a vu même par rapport à Notre-Dame, ce qui est quand même paradoxal. Notre-Dame, cœur de Paris, on a une pollution massive au plomb. Il y avait un moyen très simple de faire en sorte que on contienne ce plomb, au moins ce qui ne s'était pas échappé avec le nuage. C'était de faire un confinement et de faire une décontamination. Une entreprise avait proposé de le faire. Et ça a été considéré comme trop cher et que ça aurait demandé trop de temps par rapport au délai que M. Macron avait donné pour reconstruire Notre-Dame. Faut pas dire que personne n'était au courant que c'était pourri. Bon, on découvre que ça l'était. Peut-être beaucoup plus que ce qu'on croyait. Mais bon, on savait que c'était plus ou moins pourri. Bon, je ne vais pas ramasser des champignons. J'évite, il y a de très belles blèdes qui poussent, les champs par là. J'évite de manger les blèdes sauvages. Vous n'avez pas de salade? Non. Si, j'en ai dans le frigo, mais qu'ils viennent de chez le jardinier. Vous suivez à la lettre les consignes de l'Agence régionale de santé. Vous balayez devant votre porte, oui, vous passez la serpillière. C'est ça. Quand j'ai touché un brin de terre, je me lave les mains. J'oublie de respirer parce que par voie respiratoire, en disant qu'on risque rien. Mais quand vous respirez, les poussières se collent les muqueuses. Vous avalez la salive. Donc vous l'ingérez. C'est QFED. On est trop loin. On est trop loin de la capitale. Et puis, il n'y a peut-être pas un petit-fils de ministre ou de député touché. Peut-être ça bougerait un peu plus. km², vous nous avez dit. Oui. C'est parce que c'est aussi étendu que vous appelez ça un Tchernobyl chimique? Alors, j'appelle ça un Tchernobyl chimique parce que, d'une part, bon, effectivement, c'est étendu, mais surtout parce que, d'une part, il y a eu le silence lorsque cette pollution a été fortement amplifiée après le 15 octobre. Donc, c'est pas la bonne politique de se taire, de ne rien dire, de ne pas afficher le risque. Et puis aussi parce que les effets vont se déplacer dans le temps et dans l'espace, comme pour Tchernobyl, exactement la même chose, ou comme pour d'autres sites où on a eu donc des accidents technologiques majeurs, eh bien là, la pollution va se déplacer. Donc on a 200 km² en point de départ, mais en vérité, ça va jouer sur beaucoup plus de dizaines de kilomètres carrés sur l'aval. Frédéric Auger, ça fait 10 ans que vous regardez ce paysage, en sachant ce qu'il y cache. Fausses collines, amoncellement de déchets. Ça fait quoi de vivre dans une vallée où, justement, l'air ou le sol sont invivables, on pourrait dire? Oui, mais en même temps, c'est beau. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vent. On voit les Pyrénées avec les premières neiges de l'automne 2019. De l'autre côté, on a le Pic de Nord avec ses pistes de ski de fond sur la façade orientée vers Mazamet. Vous avez des forêts qui sont magnifiques. Vous avez un territoire qui, par certains côtés, est très agréable à vivre. Mais simplement, il faut y vivre en sachant. Et une fois qu'on sait qu'il ne faut pas se baigner dans l'Orbiel, qu'il ne faut pas rester de longues journées ici, par exemple, à chercher des fossiles, comme c'est malheureusement arrivé pour des personnes que je connais, hein, qui ont été impactées à l'arsenic et au plomb, simplement en cherchant des fossiles et donc en respirant la poussière de l'endroit où nous sommes actuellement. Voilà, une fois qu'on sait ça, bon, on s'en va. Alors certains vont dire on s'en va, vous avez des personnes qui s'interrogent, qui envisagent de partir, effectivement, on peut dire aussi, il faut se battre, peut-être pas pour soi, bon moi je suis sur la pente descendante, mais il faut au moins travailler pour les enfants, pour les petits-enfants qui sont sur ce territoire, ou alors, il faut le dire clairement, et nous déménageons 10 000 ou 20 000 personnes, mais c'est impossible, c'est impensable, donc il faut agir autrement. Il faut prévenir et guérir. Salsigne, la mine d'or, l'arsenic veille. Avec Frédéric Auger, ancien chercheur au CNRS, spécialiste des sols pollués, François Espuche, responsable de l'association Gratte-Papier, Max Breil, maire de Lastour, ancien métallo, Robert Montanet, ancien mineur, Annie Thébaumoni, directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste des cancers professionnels, Vanessa Motte, une mère de famille, et Sophie Élyséon, préfète de l'Aude. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter au fond de la mine, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, le Grand Paris guérit ses sols par les plantes. Et pendant 15 jours, grâce à Tenk, notre partenaire, vous pouvez voir Zona Franca, le documentaire de Georgi Lazarevski qui filme les gens qui habitent des terres exploitées et polluées au Chili. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais en attendant, restez à l'écoute.